Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquin, assisté de Marie-Françoise. Cette émission est diffusée en direct lundi 30 mai 2011 de 18h à 21h et sera rediffusée mardi 31 mai 2011 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle est réalisée par Claudio. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Merci Marie-Françoise, merci à vous Claudio. Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, je vous dis bonsoir si vous nous écoutez en direct pour ce lundi 30 mai 2011, semaine C de notre cycle des émissions de Radio Courtoisie. Et je dis bonjour à ceux qui nous écouteront à partir de 9h du matin pour cette seconde partie de notre libre journal. Et bonne nuit à ceux qui nous écouteront à partir de 3h30 du matin. Nous allons continuer à parler beaucoup de politique, puisque ce sera l'Europe après Bruxelles, que nous appelons de nos voeux, dont nous allons parler avec Kostas Mavrakis, philosophe, qui est resté avec nous, qui nous a fait ce plaisir. Jean-Pierre Gérard, industriel, ancien membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France, et Roland Hureau, essayiste, qui sont tous les trois co-auteurs d'un ouvrage collectif qui est en fait un ouvrage qui reprend des actes de colloque, intitulé « Après l'Europe de Bruxelles, une France libre dans une communauté d'États souverains ». Et c'est édité par François-Xavier de Guibert. Et les coordinateurs de ce livre sont Roland Hureau, ici présent, et Michel Robatel, président, je ne me trompe pas, du Cercle du 29 mai 2005. Alors, le 29 mai 2005, c'était un des anniversaires de la prise de Constantinople par les Turcs, mais c'était aussi la victoire du non au référendum. Victoire qui était peut-être une victoire à la Pyrrhus, enfin vous nous direz ça, puisque quelques années après, nous avons eu droit au traité de Lisbonne, voté par le Parlement, qui a repris ce que le peuple français avait refusé. Alors nous allons nous interroger sur l'avenir de l'Europe, sur ce que doit devenir l'Europe, l'Union européenne, avec d'excellents esprits. Monsieur Jean-Pierre Gérard est un homme qui connaît bien l'économie, mais qui connaît l'économie sous le double aspect d'économiste et de praticien de l'économie, puisque c'est un chef d'entreprise, et qu'il est notamment vice-président des entreprises qui sont les premières à l'exportation. Je suis président du club des numéros 1 mondiaux français à l'exportation, oui. Ce qui n'est pas rien, quand même. Hein. Voilà. Donc vous savez ce que l'économie signifie. Et pour entamer cette seconde partie, nous avons, comme toutes les deux semaines, notre chronique du grand large de notre ami Patrick Simon, qui est intitulée de manière fort énigmatique aujourd'hui « Où est l'ombre? Où est la lumière ?» Patrick ? Bonjour Henri. Alors vous allez nous dire « Où est l'ombre? Où est la lumière ?» Ah, oh, bah, c'est pas bien difficile, il suffit de penser à cette célèbre formule de Jack Lang, dont je vous parlerai dans peu de temps. Et le mystère sera alors éclairci. Mais avant de commencer cette chronique, je voudrais vous inviter, amis auditeurs, à prier pour Asia Bibi, cette chrétienne pakistanaise emprisonnée depuis 3 ans à la suite d'une condamnation à mort pour blasphème et persécutée par la méchanceté humaine, par la jalousie et tous autres vices. Un livre sort, intitulé « Blasphème », organisé par une journaliste Anne-Isabelle Tollet. Je vais acheter ce livre et je vous conseille d'en faire autant. Je vous signale également avoir vu hier soir sur France 5 un reportage sur les enfants au goulag. C'était l'histoire de ces enfants nés au goulag à la suite de viols de prisonnières, arrachés à leur mère après la période de sevrage, et élevé au goulag sans parents, sans mère ni père. C'était horrible, mais très instructif sur l'enfer carcéral soviétique. C'est un article du Figaro magazine de cette semaine, que vous pouvez toujours consulter, qui a attiré mon attention sur ce reportage télévisé. J'espère que vous l'avez vu. J'ignore s'il est possible de le revisionner sur Internet. Alors, j'en viens maintenant à mon propos. On a fêté récemment un anniversaire, celui des 30 ans de l'accession au pouvoir de François Mitterrand, le 10 mai 1981. La gauche aime bien ce type de commémoration qui lui permette d'introduire du sacré dans son histoire, sans doute parce qu'elle en manque singulièrement. Privée de religion par son athéisme, de sacrifices et de héros par son antimilitarisme ou son pacifisme, de rois et de fastes par son égalitarisme, de rituels par son matérialisme, la gauche française éprouve parfois le besoin de s'élever vers des cérémonies où elle voudrait que souffle l'esprit. On se bat toujours pour ce qu'on n'a pas, comme disait Surcouf à Nelson, je crois, à propos de l'argent. Mais faire du sacré quand on n'en a pas l'imprégnation, c'est un peu comme faire aboyer un chat. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire, nous, de droite, vu d'en face de la politique inaugurée en 1981? L'objectif, vous vous souvenez, était de changer la vie en faisant diminuer le chômage et en libérant le peuple des terribles « servitudes » entre guillemets dont il souffrait, paraît-il. Dans cette perspective, le gouvernement socialo-communiste de l'époque suivit une approche classiquement keynésienne de relance par la consommation. Il s'agissait de donner du pouvoir d'achat par une augmentation des salaires, une forte hausse du SMIC de plus de 50% en 2 ans, un contrôle du crédit et une fiscalité plus élevée visant à redistribuer les revenus et permettre ainsi une reconquête du marché intérieur, qu'il disait. Et ce marché intérieur était, disait-il, trop capté par ou dépendant des services et produits venant de l'étranger. Alors la première question à se poser, c'est est-ce que la reconquête est survenue? Eh bien, nullement. Les grands bénéficiaires de cette redistribution furent, par exemple, les producteurs de magnétoscopes japonais, qu'on bloqua un certain temps à Poitiers d'ailleurs, ou les producteurs d'équipements électroménagers allemands. Bon, alors autre question, est-ce que le chômage a diminué à ce moment? Eh bien, non seulement il ne diminua pas, malgré les promesses du style « je n'accepterai jamais tant de millions de chômeurs », mais il explosa en montant en flèche jusqu'à toucher plus de 3 millions de personnes, je crois. Cette forte hausse s'explique toujours par les mêmes raisons que les socialistes feignent de ne jamais comprendre. Plus on augmente la protection juridique des employés, plus on dissuade le recrutement économique de ceux-ci. Et ce n'est pas un hasard si le taux de chômage est toujours plus élevé, parfois du simple au double, dans les pays socialistes ou sociodémocrates, où la liberté contractuelle est affectée par des contraintes réglementaires de plus en plus fortes, que dans les pays plus libéraux où de telles contraintes existent moins. En outre, cette politique keynésienne intervenait à contre-temps, c'est-à-dire à un moment où les autres pays développés, États-Unis, Angleterre, Allemagne, Italie, etc., abandonnaient le mythe de la relance par la demande. Eh bien, le résultat ne s'est pas fait attendre. 3 dévaluations du franc en moins de 3 ans. Ce fut donc l'échec. Et le gouvernement fut finalement obligé d'abandonner son programme pour éviter une déroute économique encore plus grave. Les mesures appliquées à partir de 1981 ont aussi d'autres caractéristiques, et je les récapitule les unes après les autres. L'extension du secteur public avec les nationalisations, notamment des banques, ça, ce fut le prix payé pour avoir le soutien du Parti communiste. Eh bien, ces nationalisations eurent pour conséquence d'alourdir la gestion d'entreprises jusque-là performantes et de les rendre moins responsables. Conséquence, multiples erreurs de gestion du Crédit Lyonnais sous M. Haberer, plus tard, c'est une bonne illustration. Et d'ailleurs, ces entreprises furent privatisées pendant la première cohabitation en 1987 et par la suite, Mitterrand ne revint jamais sur de telles privatisations. Il n'avait alors plus besoin des communistes. Il y a eu la loi Quillot. Elle vint protéger davantage les locataires. Il devenait plus difficile de mettre fin au bail. Résultat, pénurie de logements, longue queue de candidats à la location, multiplication des garanties exigées par les propriétaires des locataires. Un nouvel échec. Il y a eu les lois Auroux qui renforcèrent les droits des syndicats dans l'entreprise, droits d'expression et de négociation. Résultat, des fermetures d'entreprises, des faillites et parfois un climat de guerre civile et de grève constante. Souvenez-vous des affrontements devant l'usine Citroën de Poissy entre grévistes et non-grévistes. Un homme y perdit un œil. Il y a eu aussi toute une série de mesures favorables aux salariés, retraite à 60 ans, semaine de 39 heures payées 40, cinquième semaine de congés payés. Si cette dernière mesure n'a pas eu d'effet négatif et a finalement pu être absorbée par l'économie française, les deux premières, qui s'ajoutaient à tout le reste, affectèrent durablement la crédibilité et le sérieux de la France. On continua d'en subir les funestes effets pendant 30 ans. Mais à l'époque, on assista aussi à une rapide dégradation des finances publiques, à un triplement des déficits budgétaires et à l'effondrement de la balance des paiements. Il faut également mentionner les lois Savary, tentative de mettre la main sur l'enseignement privé en le nationalisant au moyen d'un service public unique. Cela revenait à créer un monopole de l'éducation en empêchant toute concurrence entre écoles et en mettant fin à l'enseignement libre, le seul qui marchait à peu près et évitait les résultats catastrophiques de l'école publique. Eh bien, Mitterrand, vous vous en souvenez, dut renoncer à ces lois qui avaient pourtant toutes été votées par le Parlement devant l'ampleur des manifestations et réprobations qu'elles suscitèrent. Le bilan fut donc négatif. Alors, j'ai évoqué la politique pratiquée plus que l'homme Mitterrand. Mais tout le monde se souvient aussi du style de ce président passé maître dans l'art de la dissimulation et du mensonge. Hein, il s'était construit une image. Hein. On disait qu'il était comme un personnage de roman. Pensez par exemple aux faux attentats de l'Observatoire. Il avait une double vie. Il était certes impuissant à peser sur les réalités économiques, mais prêt à tout, même à nuire à son pays, exemple les nationalisations, pour parvenir au pouvoir. Un bon nombre de scandales, Carrefour du Développement, Urba Graco, Triangle, et de suicides marquèrent ces deux septennats. Et aussi une corruption des mœurs politiques. Ce fut le moment où un certain cynisme commença à régner sur la société. L'honnêteté aurait presque fini par passer pour de la stupidité. Et plusieurs manipulations illustrent le cynisme du président. La conspiration des médias pour faire silence sur l'existence de sa fille naturelle, Mazarine Pinjot. L'espionnage systématique par écoute téléphonique. La persécution ou l'intimidation des ennemis par contrôle fiscal, c'était sous le ministre Charras. Tout cela, ces faits que je vous annonce, dont je rencontre, ne fut révélé que bien plus tard. Et trouve aujourd'hui, avec l'affaire DSK, un lointain écho de cette obscurité douteuse, soudainement éclairée par une lumière crue. Certes, cette affaire d'agression sexuelle est très différente, car la pulsion incontrôlée n'a ici rien à voir avec la manipulation froide et réfléchie. Mais il existe un point commun, la part d'ombre soudainement révélée au grand jour. Non, décidément, quand l'horripilant Jacques Lang annonça en 1981 qu'en ayant élu Mitterrand, la France était passée de l'ombre à la lumière, il a dû avoir un lapsus, il n'a fait alors que dire l'inverse de ce qui allait se produire. Mis en parallèle, les faux pas de Sarkozy, du genre « casse-toi pauvre con », apparaissent pour ce qu'elles sont vraiment, des broutilles. Alors, je ne voudrais pas terminer ce tableau noir que je viens de dresser de l'ancien président sans mentionner les deux seuls bons points qu'on peut, à mon avis, lui décerner. Le discours du Bundestag en 1983, je constate que les pacifistes sont à l'ouest et les missiles à l'est, qui a eu un rôle positif pour l'installation des contre-missiles Pershing en Allemagne et pour la chute de l'Empire soviétique, et puis aussi l'amnistie ou plutôt la réintégration dans leur grade des militaires démis de leurs fonctions pour cause d'Algérie française. Voilà, mais ces deux bons points ne valent tout de même pas les 15 ou 20, j'ai pas fait le compte, mais les 15 ou 20 mauvais points que j'ai précédemment relevés. Merci Patrick Simon. Donc, si j'ai bien compris, Jacques Lang avait tort de dire que la France passait de l'ombre à la lumière en 1981 avec l'élection de François Mitterrand. Peut-être avait-il tort aussi de dire qu'à propos de M. Dominique Strauss-Kahn, accusé non pas seulement d'agression sexuelle, mais de tentative de viol, ce n'était après tout pas très grave parce qu'il n'y avait pas mort d'homme. Pas mort d'homme, oui. Mais il est vrai qu'il a été dépassé dans l'obscénité verbale par M. Jean-François Kahn, qui a dit, après tout, ce n'est jamais qu'un troussage de domestique. Oui. C'est très élégant de sa part. Ils se sont surpassés. Les gens de gauche se sont surpassés. Merci, et merci cher Patrick Simon. Donc je vous donne rendez-vous pour votre chronique du Grand Large dans deux semaines, le lundi 13 juin. Entendu. Merci Patrick. Nous allons quitter Mitterrand, d'ailleurs pas tellement, parce qu'il a joué un rôle important dans le développement de l'Union européenne. Et je me tourne maintenant vers Roland Hureau et vers Jean-Pierre Gérard. Je rappelle donc que Roland Hureau est essayiste. Roland Hureau s'écrit H-U-R-E-A-U-X. Que Jean-Pierre Gérard est industriel et qu'il est ancien membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France, quand il y avait encore une Banque de France. Il y en a toujours une, mais qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. Et qu'avec Kostas Mavrakis, philosophe, ils ont fait un livre, et d'autres auteurs encore d'ailleurs, un livre qui s'appelle « Après l'Europe de Bruxelles, une France libre dans une communauté d'États souverains ». Et ce livre reprend les actes d'un colloque du 18 juin 2010. Donc évidemment, la question qui s'impose, et que je pose en premier lieu à Roland Hureau, puisqu'il a dirigé les travaux de ce colloque et du livre, de la rédaction du livre, pensez-vous, un an après, pas tout à fait un an après, votre colloque, que vous devez revenir sur certaines de vos conclusions, ou bien que l'évolution de la crise grecque, de la crise espagnole, de la crise de l'euro, fait que vos conclusions pessimistes sur l'Europe de Bruxelles sont renforcées? Roland Hureau. Clairement, non, nous ne revenons pas sur aucune de nos conclusions. Je pense que Jean-Pierre Gérard est d'accord avec moi. Nous avons dit, à l'occasion de ce colloque, et ça figure dans ce livre, que l'Europe était dans une situation d'acharnement thérapeutique. Alors, qui dit acharnement thérapeutique? Je parle de l'Europe, je ne parle pas de la Grèce. L'Union européenne. Et plus précisément de l'euro, de la monnaie unique. Quand on dit acharnement thérapeutique, on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Vous savez, dans des services de réanimation, il y a des gens qui font l'objet d'acharnement thérapeutique. Alors, tant que vous ne coupez pas le contact, ils peuvent continuer un certain temps. Mais ça ne continuera pas indéfiniment. Vous avez la certitude claire, nette, c'est ce que nous avons voulu marquer, que l'euro va, non pas s'effondrer, ce n'est pas du tout le même concept. Il va éclater. Ce n'est pas du tout la même chose, une monnaie qui s'effondre et une monnaie qui éclate. C'est aussi certain que si vous avez une corde avec un treuil, et qu'avec le treuil, vous tirez de plus en plus sur la corde, eh bien, à un moment, la corde va casser. C'est certain. Or, chaque jour qui passe fait que les tensions sur la monnaie unique sont plus importantes, plus grandes. Voilà, ça me paraît très clair. Très franchement, mais quand on dit acharnement thérapeutique, on pense à la mort. Là, je me tourne vers le philosophe. Il y a une maxime qui dit « Nul ne sait le jour ni l'heure. » C'est l'Évangile. Oui. Mais je sais que c'est l'Évangile. Et là, c'est la même chose. C'est la même chose. On sait que ce ne sera pas 10 ans. Et j'ai vu un conseiller, enfin quelqu'un d'important dans l'appareil d'État, il y a quelques jours, qui m'a dit c'est peut-être demain, peut-être dans un an, peut-être demain, voilà. Mais j'ai retenu peut-être demain. Alors, cher Jean-Pierre Gérard, vous avez été membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France autrefois. Je ne crois pas que vous étiez un enthousiaste de la monnaie unique, que vous avez combattu. L'évolution de la situation économique après la création de l'euro confirme-t-elle vos pronostics, votre opinion, votre opposition à la monnaie unique, alors qu'on nous annonçait que la création de l'euro allait être une bénédiction pour l'Europe? Je dois dire que, si vous voulez, la position qu'on pouvait avoir en tant que responsable de la politique monétaire de la France devait être plus nuancée. Et en fait, si vous voulez, la monnaie unique, comme toutes les monnaies de tous les pays du monde, sont l'expression des solidarités entre les citoyens, enfin entre les participants de cette monnaie unique. Donc autrement dit, normalement, l'euro doit exprimer les solidarités. Mais comment exprimer politiquement ces solidarités? C'est là où on avait plusieurs moyens de le faire. On avait un moyen qui était celui qui était choisi, c'est-à-dire on met l'euro et puis on garde l'ouverture des frontières et on garde la Commission de Bruxelles. Bon, il se passe ce qui devait se passer normalement, c'est-à-dire qu'on aboutit inéluctablement à une centralisation politique de l'Europe dont aucun pays ne veut. Donc, autrement dit, il y a une contradiction très forte et dont aucun pays ne veut, et ça a été très clairement exprimé par le référendum constitutionnel. Donc, je vais vous dire, là, on a vraiment... c'est le problème de l'euro, c'est beaucoup plus un problème de cohérence entre les différentes politiques générales et politiques économiques menées par l'Europe. La politique économique, vous ne pouvez pas avoir simultanément l'euro, une politique décentralisée comme le souhaitent les citoyens, une organisation décentralisée de l'Europe comme le souhaitent les citoyens autour d'États responsables, et l'ouverture économique des frontières. Ça ne peut pas marcher. Si vous avez... vous pouvez avoir l'euro et l'ouverture économique, vous avez obligatoirement un gouvernement centralisé. Vous avez l'euro et un gouvernement décentralisé, vous ne pouvez pas avoir la mondialisation. Donc, si vous voulez, c'est cette incohérence que moi j'ai soulevée dès le départ, parce que mon rôle n'était quand même pas d'être un politique à ce niveau-là, c'était de dire... Faites attention, ce que vous construisez n'a aucune chance de succès si vous vous y prenez comme ça. Voilà les éléments que vous devriez prendre en compte pour le faire. Alors, ce qui a été la malchance ou la chance de ceux qui voulaient l'euro au début, c'est que Duisenberg a parfaitement compris ça et que l'euro a été très sous-évalué, puisque souvenez-vous qu'à l'époque, ça valait 80 centimes de dollars, alors qu'aujourd'hui, un euro, ça vaut pratiquement 1,50. Donc, autrement dit, on a pratiquement obtenu un doublement du prix de l'euro sur cette période. Alors, Duisenberg, il a fait ça pendant 4 ans. Je peux revenir sur les raisons qui, à mon sens, ont fait que ça se passait comme ça. Mais je vais vous dire, dès ce moment-là, l'ensemble des pays européens entre eux étaient, entre guillemets, protégés par une espèce de bulle monétaire qui leur permettait de vendre à l'extérieur ou d'acheter à l'extérieur. Et plus important encore... À l'intérieur même de l'Europe, des pays comme l'Allemagne, qui sont importateurs et exportateurs, n'avaient plus le choix d'importer d'autre part que de l'Europe, puisque c'était beaucoup moins cher d'importer d'Europe. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec la croissance, l'augmentation du prix de l'euro, eh bien, l'Allemagne retrouve un certain nombre de choix. Elle peut continuer à vendre à l'extérieur, mais elle a le choix entre s'approvisionner dans l'Union européenne ou à l'extérieur. Ce n'est pas nécessairement aux États-Unis, hein, mais c'est dans des pays qui libellent leur prix en dollars. Donc, et c'est essentiellement la Chine, l'Inde, etc. C'est les nouveaux pays. Donc là, on est vraiment aujourd'hui dans une situation. Alors aujourd'hui, si vous voulez, pourquoi est-ce que ça ne peut pas tenir? Et moi, je pense personnellement, si vous voulez, que si les gens avaient pris conscience, si les politiques avaient pris conscience, et c'est pour ça que moi j'en veux énormément à Nicolas Sarkozy, au président de la République, parce qu'il a été le dernier à avoir la chance, et ça se présente une fois dans la vie politique d'un homme politique, d'un homme d'État, de pouvoir faire prendre le bon aiguillage. Il avait la chance de pouvoir remettre le chantier de l'Europe en construction et de dire « les pays ne veulent pas de cette organisation ». Nous sommes, la France a voté non, j'ai été bien élu Et je choisis donc de faire autre chose et je propose qu'on refasse autre chose. Au lieu de quoi, qu'est-ce qu'il a fait si vous voulez. Alors ça, c'était une des branches de l'alternative. L'autre branche était de ce qu'il a fait, de dire ben, on continue comme ça, on signe le traité de Lisbonne et puis on va se retrouver. Moyennant quoi, qu'est-ce qui se passe? Ben, tous les pays les plus faibles ou ceux qui ont rattrapé ou ceux qui ont eu des inflations, qui ont eu des compétitivités qui se sont ruinées petit à petit, eh bien, n'arrivent pas à suivre la course et on va être obligé de subvenir. C'est la notion même de monnaie commune, de monnaie unique qui est en cause. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un État ou un pays ne peut pas assumer ses dettes, c'est à l'ensemble des autres pays de les assumer. Mais quand ça atteint des montants aussi considérables que ceux qu'on constate aujourd'hui, ça devient intenable, puisque si vous ajoutez la Grèce, le Portugal et l'Irlande, vous avez pratiquement la quasi-totalité du Fonds de stabilisation européen. Alors, je vais vous dire, on ne sait plus où on va. Et ceci pour ce qui a été fait. Et ce qui reste à faire est pratiquement du même ordre de grandeur. Donc, je pense, moi, si vous voulez, maintenant, je pense que, si vous voulez, on ne peut plus sauver l'euro. L'euro est mort. Et la seule chose qu'on peut espérer, mais je dois dire, je pense même que c'est peut-être un peu tard, c'est que si on arrivait à organiser la retraite sur le problème de l'euro, peut-être on pourrait sauver certains des acquis européens. Mais comme je pense profondément que l'ensemble des élites bancaires, etc., banques centrales, n'ont qu'une idée en tête, c'est de tirer et de continuer à tirer, comme le disait Roland Huro tout à l'heure, eh ben, si vous voulez, ça va exploser. Et à ce moment-là, on ne sait pas très bien ce qui se passera. Alors, vous avez cité Duisenberg. Duisenberg, c'était le prédécesseur de Jean-Claude Trichet à la Banque Centrale Européenne. C'est le premier président de la Banque Centrale Européenne. Alors, je me tourne vers Kostas Mavrakis, philosophe, et comme son nom l'indique, grec, d'origine grecque, et je lui demande si la Grèce est coupable contre l'euro, si c'est la Grèce qui a tué l'euro, ou qui est en train de tuer l'euro, avec le drame, puisque vous êtes intervenu justement sur ce sujet dans ce livre. Y a-t-il une responsabilité de la Grèce? Alors, on peut dire évidemment, vive la Grèce, puisque c'est elle qui va nous débarrasser de l'euro, ou au contraire, abat la Grèce, puisque c'est elle qui risque de compromettre ce bienfait qu'est l'euro. La question, c'est est-ce que la Grèce, le problème qu'elle présente, n'est pas un symptôme d'un problème beaucoup plus vaste, et dont on voit la menace se dessiner dans d'autres pays, tels que le Portugal, l'Espagne, l'Irlande, et peut-être aussi l'Italie, et peut-être un jour aussi la France. Donc c'est en fait tout le système qui est malade et qui a été construit sur une base qui était fausse parce qu'elle était contradictoire. Donc une situation qui était vouée à devenir intenable à un moment ou un autre. Alors, que dites-vous sur la Grèce, sur sa responsabilité, sur la situation qu'elle a depuis que l'on commence à braquer le projecteur sur ses difficultés financières dans ce texte qui s'appelle « La Grèce au pied du mur, au droit au mur ». Voilà, alors... Point d'interrogation. Oui, eh bien, je posais cette question il y a un an, et aujourd'hui, il me semble que la Grèce va droit au mur. Donc vous répondez à la question. Voilà. Elle n'est pas au pied du mur, elle va droit au mur. Elle va droit au mur parce qu'elle va sûrement faire défaut. Et le, comment dire, et cela parce que à cause de la politique de l'Europe à son égard, c'est-à-dire que face à un problème grave dont les Grecs sont certes responsables, mais ils ne sont pas les seuls, le remède, ça consiste à serrer la corde, puisqu'on parle de corde, à serrer la corde jusqu'au moment où le patient va mourir. Je veux dire, ce qu'on fait, c'est que l'économie grecque, on lui demande de payer ses dettes, mais on fait tout pour asphyxier cette économie. Et donc, le sens dans lequel évoluent les choses est proprement catastrophique. Ça, il paraît que les Allemands ont dit que la Grèce n'avait qu'à vendre ses îles. Voilà, oui. Bon, ça, donc, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. C'est que je ne sais pas. À mon avis, les îles grecques valent quelque chose sur le marché des îles. Donc, j'aurais deux questions supplémentaires à vous poser, à vous et ainsi qu'à M. Gérard et à M. Hureau, cher Kostas Mavrakis. La première, c'est le problème de la crise grecque n'est-il pas à chercher en amont ? En amont, je veux dire, pourquoi la Grèce est-elle autant endettée ? N'est-ce pas la faute de l'euro ? Si la Grèce a pu s'endetter, c'est parce que la Grèce, alors là je donne la réponse à la question que je pose, mais vous pouvez me dire que vous n'êtes pas d'accord ou commenter, n'est-ce pas parce que la Grèce était dans la zone euro que les créanciers ont été rassurés et qu'ils se sont dit qu'ils pouvaient prêter à la Grèce, que de toute façon c'était de l'euro, donc c'était une dette garantie et ils ont anticipé le fait que l'Union européenne se porterait au secours de la Grèce si jamais il y avait des difficultés. Donc la Grèce était incitée, avec des taux d'intérêt relativement bas, à s'endetter plus qu'elle ne l'aurait été si elle avait gardé la drachme. Bon. Deuxième question. Que va-t-il se passer maintenant en Grèce ? La Grèce s'est endettée. Va-t-elle restructurer la dette ? C'est-à-dire, va-t-elle déclarer une faillite, comme il y en a eu tant dans l'histoire, une faillite d'État, où l'État ne paye plus la dette aux échéances prévues et aux montants prévus ? Va-t-on restructurer la dette ? C'est-à-dire, va-t-on déclarer une faillite partielle de la Grèce ? Ça me semble tout à fait inévitable, parce que les comptes sont tels que la situation ne peut que s'aggraver. Donc la question, c'est pas quand, s'il y aura un défaut, s'il y aura une restructuration, c'est quand. Alors, je pose la même question à Roland Hureau et M. Gérard. Peut-être faudrait-il commencer d'ailleurs pour poser la question à Jean-Pierre Gérard, parce qu'il a été membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Donc, pensez-vous... D'abord, je répète mes deux questions. Première question, l'appartenance de la Grèce à la zone euro a-t-elle une part de responsabilité dans la crise grecque ? Et deuxième question, la Grèce peut-elle s'en sortir sans restructuration de la dette, c'est-à-dire sans défaut de paiement ? Je vais vous faire une réponse en deux temps, si vous voulez. Chaque fois quand dans mon entreprise ou dans mes entreprises, mes gens me disent « Oh, bah c'est simple, il suffit de remettre 10 millions d'euros, et on va résoudre le problème. » Et ma réponse est systématiquement « Non, il faut d'abord que vous remettiez votre politique, vos sociétés en ordre, et à ce moment-là, vous trouverez des gens pour investir. » C'est l'inverse qu'il faut faire. Donc, alors, je vais revenir maintenant sur la Grèce. La Grèce avait, la Grèce avait des chances de réussir dans l'euro. Mais c'est vrai que économiquement, et c'est là que je rejoins mon exemple industriel, économiquement, elle était en retard. Et étant en retard, je dirais, de développement économique, elle avait besoin d'énormément d'investissements. Elle a trouvé sur le marché ces investissements. Il est bien évident que dans les mécanismes qui ont été mis en place pour développer ces investissements, développer ce niveau économique, ce qui était la même chose au Portugal et d'ailleurs en Espagne, ça s'est traduit par une inflation sous-jacente, pas nécessairement visible dans les comptes de Jean-Claude Trichet à Francfort, mais qui sont bien réels, et puis que vous constatez vous-même quand vous allez au Portugal et que vous allez en Espagne et en Grèce. Donc, autrement dit, il y a une inflation et une perte de compétitivité des entreprises grecques, espagnoles, portugaises, et l'Irlande, c'est un problème un peu différent. Pendant 10 ans, l'évolution relative des prix de production dans tous ces pays ont dérivé de manière très différente par rapport à l'Allemagne. Il est bien évident que 10 ans après, ce différentiel de compétitivité se retrouve dans la capacité du pays à faire face à l'ensemble de ses échéances. Pour pouvoir, comme il n'arrive pas à développer ses entreprises avec le niveau de compétitivité actuel, eh bien, on se trouve avec des problèmes d'emploi, des problèmes de difficultés économiques, et on fait de l'endettement public pour essayer de compenser ça et désintéresser. C'est là où ça commence à devenir vraiment très très mauvais. Et donc, on essaye en disant « la Grèce, il suffit de remettre suffisamment de milliards pour y arriver ». On n'y arrivera pas, ce n'est pas possible. D'abord, on n'envisage qu'une seule méthode, c'est de freiner les dépenses, alors que c'est peut-être le développement de l'activité qu'il faudrait essayer d'étudier et voir où on a des marges de manœuvre. Je rappelle que chaque fois que le FMI ou les organisations monétaires mondiales proposent un plan de rigueur ou un plan de restructuration, c'est toujours la même chose. Réduction des dépenses, c'est ce qu'on appelle régulièrement le plan de rigueur. Diminution des salaires des fonctionnaires, etc. Et chaque fois, ça a le même résultat. Il n'y a qu'une fois où ça n'a pas eu ce résultat, c'est quand la Malaisie a dit non. Lors de la crise asiatique, la Malaisie a dit « Je ne veux pas appliquer vos règles du FMI. C'est des règles débiles parce qu'elles ne favorisent pas l'activité. » Et à ce moment-là, la Malaisie s'en est sortie extrêmement vite. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, l'ensemble des pays européens sont dans cette situation. Il faut développer l'activité. Et un des moyens, alors le moyen, si vous voulez, il y a deux moyens pour développer l'activité, c'est de permettre de retrouver les compétitivités et effectivement arrêter de faire peser les charges essentielles sur les entreprises et avoir une politique d'offre et de demande satisfaisante. Ou bien il y a une autre politique qui est, je dirais, plus macroéconomique, c'est ce qu'on utilise généralement avec la dévaluation de la monnaie. Aujourd'hui, la dévaluation à l'intérieur de l'euro étant impossible, la Grèce doit sortir de l'euro si elle veut pouvoir s'en tirer. Sinon, elle va au-devant de problèmes sociaux très graves. Alors, monsieur Roland Huro, partagez-vous cette opinion que je résume. La Grèce doit sortir de l'euro pour dévaluer, en fait, pour retrouver la drachme et dévaluer sa monnaie par rapport à l'euro. Également... Non, c'est pas nécessairement la drachme, c'est un euro-drachme. Une monnaie nouvelle, mais nationale. Et deuxièmement, peut-elle éviter une restructuration de la dette, c'est-à-dire un défaut de paiement ? Non. Non, d'autant plus qu'on lui fait payer aujourd'hui des taux d'intérêt qui vont jusqu'à 25%. 25% par an, c'est beaucoup. Hein. C'est-à-dire que c'est le pays, ça c'est la logique du marché des prêts, c'est le pays qui est le plus endetté, à qui on inflige le plus gros handicap en matière de taux d'intérêt. C'est-à-dire que c'est comme dans la vie de nos campagnes autrefois, quand il y avait des gens qui n'arrivaient plus à joindre les deux bouts, il y avait des usuriers qui se précipitaient pour faire payer des taux d'intérêt, mais ça ne pouvait pas durer éternellement, ça ne peut pas durer éternellement. Non, il est évident que la Grèce ne s'en sortira pas, c'est très très clair. Et la grande... Alors, c'est pas un problème de la Grèce, je veux dire, c'est un problème de toute l'Europe, parce que le déficit, le déséquilibre qui existe aujourd'hui au sein de la zone euro, c'est un déficit principalement entre l'Allemagne et tous les autres. Et tous les autres à des degrés différents. Un peu plus grave pour la Grèce, un peu moins grave pour la France, pour l'Espagne, mais ce déséquilibre existe et ne fera que s'accroître. Alors, derrière l'économie, il y a la psychologie. Bon, des pays plus ou moins compétitifs, ça a toujours existé, sauf que les taux de change servaient à neutraliser ces différences de compétitivité de telle manière que les comptes soient équilibrés, parce que personne ne fait de cadeau à personne au départ. Personne ne fait de cadeau à personne, sauf justement dans la zone euro où nous faisons des cadeaux à l'Grèce ou même au Portugal. Ça ne va pas durer éternellement. On lui prête. J'ai jamais entendu dire qu'on lui donnait. On lui prête. Remboursera-t-elle ? On vient d'effacer la dette au Togo. Entre prêter à quelqu'un qui fait faillite et prêter à quelqu'un qui fait faillite et lui donner directement, ça n'est pas du tout la même chose. Alors derrière tout ça, il y a des psychologies différentes. Il n'y a pas des bons et des mauvais, des efficaces et pas efficaces. Tout ça, c'est faux. C'est faux. Il y a des psychologies différentes. Il y a des pays qui font tourner leur économie avec des faibles taux d'inflation. Il n'y a que l'Allemagne qui soit dans cette situation-là, d'ailleurs. Parce que c'est le seul pays du monde. Et pourquoi ? Parce qu'il a eu un traumatisme. Il y a eu un traumatisme il y a 75 ans. Il a eu de l'inflation galopante. Il y en a eu à nouveau en 1947. Les Allemands sont traumatisés sur cette question de l'inflation. Et donc, l'Allemagne arrive à équilibrer ça. Son économie et sa société avec des taux d'inflation très faibles. Tous les autres, à commencer par la France, n'est pas si mauvaise que ça, puisqu'elle est à égalité avec les États-Unis, à égalité avec l'Angleterre. Bon, nous sommes toutes les monnaies du monde se sont dévaluées, à part depuis 50 ans, je parle sous le contrôle de Jean-Pierre Gérard, se sont dévaluées par rapport au franc, à l'exception du dollar et du franc suisse, et du marque, bien entendu. Bon, et vous avez des psychologies différentes. Et là, vous avez des technocrates qui ont cru qu'on pouvait résoudre ces difficultés, ces différences de psychologie en ne faisant qu'une seule psychologie européenne, notamment par rapport à cette variable de l'inflation. Bien entendu, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que chaque pays a suivi son régime naturel. La Grèce n'a pas changé de comportement depuis qu'elle a l'euro. Elle a suivi le comportement qu'elle avait toujours eu, mais qui était corrigé régulièrement par des dévaluations. Donc la question qui va se poser, c'est après ce dépôt de bilan, ou qu'on le veuille ou non, cette restructuration, qu'on appelle comment, enfin, la cessation de paiement de la Grèce qui sera suivie, il y aura des conséquences psychologiques considérables. Parce que le Portugal va faire pareil. En tous les cas, les gens qui ont prêté au Portugal vont se dire, mais si la Grèce fait défaut, mais demain c'est le Portugal qui va faire défaut, c'est l'Espagne qui fait défaut, et après-demain ce sera la France qui va faire défaut. Alors, donc tout de suite, c'est la Grèce n'est pas un petit pays, historiquement c'est un grand pays, mais la population de la Grèce, c'est par rapport au reste de l'Europe, c'est 5%, je crois. Donc, ces 5% vont être décisifs, vont faire sauter le système. Alors, ensuite vient l'autre question. Si l'euro saute, qu'est-ce qui va se passer sur le plan mondial? Quelqu'un qui est également proche du gouvernement m'a dit récemment, c'est une déflagration. Dans un système financier mondial terriblement fragile et qu'on a sauvé que de justesse il y a quelques années, une crise de l'euro, ça serait une déflagration qui aurait des conséquences non seulement sur l'Europe, mais sur le reste du monde. Alors ça, je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Pierre Gérard, puisque je répercute ce qui m'a été dit. En tous les cas, la déflagration sur l'Europe serait certainement tout à fait décisive. Alors nous allons venir dans quelques instants à cette question de l'euro, et à cette question que soulève Jean-Pierre Gérard dans ce livre « Après l'Europe de Bruxelles », qui est le protectionnisme ou le patriotisme économique dont vous parlez et que vous préconisez dans une certaine mesure. Mais auparavant, je voudrais que les auditeurs de Radio Courtoisie écoutent une communication importante. Dimanche 19 juin, à Paris, fête de la courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 19 juin, de 14h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque. Venez acheter d'irremplaçables cadeaux. Offrez des livres dédicacés. Demandez dès maintenant vos billets d'entrée. Envoyez-nous un chèque avec une enveloppe timbrée et libellée. Retenez, dimanche 19 juin, fête de la courtoisie, espace Champéret, rue Jean Oestreicher, Paris 17e, métro Porte de Champéret. Entrée 9 euros. Gratuit pour les personnes de moins de 27 ans. Écrivez à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et oui, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, nous nous retrouverons comme chaque année. Cette année, ce sera le dimanche 19 juin 2011 pour notre grande fête de la Courtoisie, qui est aussi un salon du livre, mais qui est bien plus qu'un salon du livre, qui est d'abord une fête de famille. Et j'espère que nous aurons l'occasion de retrouver les amis de Radio Courtoisie qui sont autour de cette table, Jean-Pierre Gérard, Roland Hureau et Kostas Mavrakis, ainsi que Marie-Françoise qui m'a promis qu'elle sera là. Donc, chaque année, nous avons cette grande fête qui est donc à l'espace Champéret depuis 2 ou 3 ans. Et les auditeurs peuvent voir les patrons d'émission, les retrouver, mais aussi leurs invités, se faire dédicacer les livres des grands auteurs que nous recevons. Et dans ce cadre, évidemment, c'est l'occasion de faire des suggestions en direct, de faire part de leurs impressions. Parfois, je dois dire que nous recevons des compliments qui nous vont droit au cœur, et même très souvent. Et dans une famille, car Radio Courtoisie est une grande famille, il est important qu'il y ait de temps à autre des fêtes, des occasions de se retrouver pour se témoigner son affection. Alors évidemment, on le fait dans les messages, dans les courriers que nous lisons à l'antenne, mais c'est autre chose, c'est davantage encore, c'est encore plus chaleureux de pouvoir se retrouver et de permettre aux auditeurs de dialoguer des visus avec les responsables d'émission. Alors je vous donne à tous rendez-vous pour le dimanche 19 juin. Enfin à tous ceux qui pourront venir à Paris ou qui seront à Paris, puisque notre radio qui est nationale ne peut organiser de réunions qu'à Paris, n'ont pas encore la possibilité d'en faire en province. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal d'Henri de Lesquin qui reçoit en seconde partie d'émission pour parler de l'Europe après Bruxelles, Jean-Pierre Gérard, industriel, ancien membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France, Roland Hureau, essayiste, et Kostas Mavrakis, philosophe. un auditeur, à qui profite la situation actuelle de l'euro ? Un auditeur, mais est-il bien sûr que la France ne va pas être obligée de subir les mêmes dommages que la Grèce ? Si je considère la balance commerciale de la France depuis des années, notre pays est en très mauvaise santé. Jusqu'à maintenant, nous avons pu masquer cet état de fait, mais l'importance de la dette doit nous obliger à plus d'humilité afin de mettre la Grèce en parallèle. Un auditeur, le communisme est mort à l'Est et ressuscité à l'Ouest. L'euro est une monnaie de gouvernants et non pas de gouvernés. Nous devons nous libérer du communisme qui pille les peuples européens. Un auditeur, l'Angleterre, qui ne fait pas partie de l'euro, soi-disant responsable de tous nos malheurs, subit une crise économique et financière qui a obligé le gouvernement anglais à faire une politique de rigueur, beaucoup plus draconienne que la nôtre. D'autre part, la Chine, pays communiste, fait preuve d'une santé économique sidérante et se déclare prête à participer à des prêts en notre faveur pour réduire notre dette colossale. Un auditeur, Napoléon, chef d'État français bien connu et adulé de nos gouvernants, a bien vendu la Louisiane qui est devenue la première puissance mondiale. Les Grecs ne pourraient-ils pas vendre une île comme Mykonos où ne s'y promènent que des bipèdes aux mœurs bien bizarres pour sauver ses dettes et son honneur ? Un auditeur, chez les Grecs de la rue, il se murmure que l'Allemagne, ayant infligé des dommages à la Grèce pendant la guerre, et n'ayant jamais payé de réparation, on peut considérer que les investissements perdus aujourd'hui par l'Allemagne en Grèce ne font que compenser les dommages de la guerre. Alors, commençons par la Grèce, la vente de Mykonos. Je ne sais pas quelle est la population de Mykonos qui ne plaît pas à cet auditeur, visiblement. L'Allemagne et les dommages qu'a causé l'Allemagne pendant la guerre. Oui, Costas Mavrakis. On pouvait toujours vendre la Louisiane parce que les Indiens qui habitaient la Louisiane n'étaient pas considérés comme des... Ah si, il y avait des Français en Louisiane, il en reste d'ailleurs. Oui, mais pas... Un peu français, mais français. Tellement peu que... Bon, c'est ça la question d'ailleurs. Est-ce qu'on peut vendre des hommes à... Quand on vend un pays, on vend aussi des hommes. Ah, écoutez, l'auditeur a parlé de la Louisiane, oui, qui a été vendue, mais la France a acheté la Corse. Oui, oui. Alors, oui. Je ne sais pas si elle a fait une action, mais, elle a acheté la Corse. Elle continue à en payer le prix. Ouais. Bon, donc vous n'êtes pas favorable à la vente de Mykonos. Non. Et l'argument sur l'Allemagne, l'Allemagne paiera et n'a qu'à payer, puisque après tout, elle a causé des ravages pendant la Seconde Guerre mondiale. Je n'en pense pas beaucoup de bien de cet argument. Non. C'est-à-dire, bon, je n'aurais pas recours à un tel argument. Alors là, je passe à la question suivante d'un autre auditeur, donc, qui dit, mais après tout, vous incriminez l'euro, mais l'Angleterre qui n'est pas dans l'euro ne se porte pas tellement mieux. J'aurais pu ajouter l'Islande, d'ailleurs. Hein. L'Islande est en faillite. Et l'Islande n'a pas l'euro. Alors, que répondez-vous à cet argument ? Enfin, à cette objection. Ce qu'on dit souvent, c'est, mais une dévaluation, sortie de l'euro, voilà, c'est l'euro. Une dévaluation, ça sera terrible pour le peuple, ça va augmenter beaucoup les prix, ça va se traduire par une politique de rigueur, ça va exiger une politique de rigueur. Donc, pourquoi une dévaluation ? C'est vrai que les sacrifices exigés en cas d'évaluation sont au moins aussi importants que les sacrifices exigés aujourd'hui de la Grèce sans dévaluation. Avec cette différence que quand vous avez une dévaluation, vous avez l'espoir de rebondir. L'espoir de rebondir et même la certitude de rebondir, parce que tous vos prix intérieurs se retrouvent compétitifs sur le marché mondial. Alors que si vous faites ces sacrifices sans dévaluation, sans sortie de l'euro, vous n'avez aucun espoir de rebondir et seulement la perspective de vous enfoncer encore davantage. Donc ça, et l'Angleterre fait de gros sacrifices, mais l'Angleterre laisse couler la livre, dévalue, donc l'Angleterre, n'ayons aucun doute, va rebondir. Alors maintenant, il y a une question très intéressante qui a été posée et qui touche d'ailleurs à la vente de certains actifs, c'est qui profite ? Alors, moi, je dirais, sous le contrôle de ceux qui sont ici... À qui profite le crime ? La Chine. C'est-à-dire que le principal bénéficiaire de l'euro aujourd'hui, c'est la Chine. En tous les cas, de la manière dont est géré l'euro. Pourquoi ? Parce que M. Trichet s'arrange pour que les prix européens soient très élevés, ça veut dire, en d'autres termes, que l'euro soit fort. Alors, ça étrangle toute une série de pays. Ça étrangle même en partie l'Allemagne. Ne nous faisons pas d'illusions. L'Allemagne perd sur les marchés internationaux. Elle se rattrape sur les marchés européens. Et qui se retrouve gagnant, c'est la Chine qui, elle, fait exactement le contraire de M. Trichet, c'est-à-dire qui maintient le yuan le plus bas possible. Autrement dit, qui s'arrange pour avoir les prix de vente les plus faibles possibles. Donc, elle vend de plus en plus à l'Europe. Et si l'euro éclate entre le yuan et le mark, ça ne changerait probablement pas grand-chose. Mais par rapport à toutes les autres monnaies, les produits chinois se vendraient beaucoup moins bien sur le marché européen. Donc ça serait la Chine qui perdrait. C'est la raison pour laquelle elle nous tend des perches. C'est elle qui veut acheter, qui a déjà acheté le port du Pirée, enfin une partie des actifs du port du Pirée, et qui est dit à ces pays en difficulté, mais nous on est prêts, nous avons des devises, à ne plus savoir quoi en faire, on est prêts à vous acheter. Alors la Chine ferait trois bénéfices. Premièrement, une revanche historique vis-à-vis de l'Europe, à l'égard de laquelle elle a le sentiment d'avoir été humiliée. Deuxièmement, elle acquérait des actifs très substantiels et très intéressants. Et troisièmement, elle permettrait à cette politique absurde de surévaluation de l'euro de continuer pour son plus grand bénéfice et pour le plus grand dommage de la plupart de ces pays. Alors je ne sais pas si M. Mavrakis est plus content de vendre le Pirée à la Chine que de vendre Mykonos à l'Allemagne. Non, mais c'est la Chine qui investit non, je plaisante. Au Pirée pour en faire un hub. À quoi? Ah oui. Un carrefour. Mettez une pièce de monnaie une pour plaque tournante. Une plaque tournante. Une plaque tournante. Non, mais. Mettez une pièce de monnaie qui serait une pièce d'euros, à moins que vous ayez encore des vieilles drachmes, dans le cochon, puisque monsieur Gérard, ici, vous êtes là, dans la radio de la langue française, de la francophonie, et donc dès qu'on dit un anglicisme, on doit mettre une pièce de monnaie, et on peut mettre un centime d'euro, c'est symbolique, hein. Dans le cochon, mais si on peut mettre aussi la belle pièce de monnaie en or qui vient d'être frappée, vous avez vu, par les monnaies et médailles en France, qui vaut, je crois, 1000 euros, il me semble. Il y a une pièce de 1000 euros en or. Bon, vous n'en avez pas dans votre gousset. Non, j'en ai pas. Les auditeurs ont entendu le « Merci, monsieur Costas Mavrakis ». Je témoigne que c'était un euro et pas un drachme. Et pas une drachme, pardon. Alors, j'aimerais poser une question à M. Gérard, lui demander s'il n'a pas été surpris par la réaction de M. Roland Hureau, parce qu'à qui profite le crime, à qui profite l'euro? Moi, j'attendais qu'on me dise aux banques, et pas à la Chine. Je voudrais d'abord revenir sur l'Angleterre et sur les problèmes. Oui. Dès que vous parlez de problèmes économiques, et de problèmes en particulier de production économique et de production industrielle ou agricole, etc., dès que vous ne pouvez structurer un pays que sur 30 ou 40 ans. Et vous le déstructurez également sur 30 ou 40 ans. N'oubliez pas que l'Angleterre a quand même été pendant 40 ans sous un régime travailliste et qui a complètement tué toute l'industrie anglaise. Et même, je dirais, ce qui reste entre guillemets de quelques fleurons qui ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, Rolls-Royce à travers ses moteurs d'avion, etc. Il n'y a plus grand-chose en Angleterre. Or, Thatcher a essayé de redresser la barre, mais elle a fait le choix de ce qui était le plus rapide, c'est-à-dire des services financiers. Or, la cité. Donc, autrement dit, elle s'est trouvée avec quelque chose qui est très fongible, qui peut se déplacer très vite, etc., qui est vraiment qui peut être soumis à n'importe quelle crise. Et c'est la raison pour laquelle la crise a été aussi sévère chez eux. Et d'autre part, ils sont extrêmement sensibles aux créances qu'ils ont sur les autres pays. Si vous voulez, n'oubliez pas que si un pays fait... si une banque prête à un pays, si le pays fait défaut, la banque fait faillite. Faut quand même, moi, j'ai quelques chiffres, si ça vous intéresse, des engagements des banques françaises. C'est absolument hallucinant, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les banques se prêtent même plus par elles, même plus entre elles, parce qu'elles ne sont pas sûres d'avoir dans les prêts ou dans les garanties des prêts des choses qui sont sans signification économique, etc. Donc, autrement dit, on a... en fait, pour pouvoir réussir et pour qu'une dévaluation ou pour que quelque chose qui remette les monnaies à leur vraie valeur ait un effet, il faut avoir un outil de production. Le drame de l'outil de production, c'est que... ça peut encore marcher en France parce qu'il y a encore un petit outil de production. Si on attend trop longtemps, on va être dans la situation de l'Angleterre avant cette chaire, et on n'aura plus d'autre choix que de faire du tourisme et du... ce que faisait Salazar, quoi. C'était l'Europe de Salazar. Enfin, c'était le Portugal de Salazar, avec une monnaie très stable, mais en même temps, je dirais, une activité économique qui stagnait. Donc là, moi, je pense que c'est... Si vous voulez, l'Angleterre est un faux exemple, de ce qui... de l'euro, parce qu'en fait, ce n'est pas l'euro c'est la politique économique suivie par le système travailliste pendant extrêmement longtemps et un redressement fait par Thatcher qui a porté essentiellement sur les services financiers. Ceci étant, si vous regardez certaines régions d'Angleterre, les régions industrielles d'Angleterre, certaines se sont très très bien redressées. Ali à Leeds, par exemple, vous verrez, ça n'a rien à voir avec ce que c'était il y a seulement 10 ans. Donc, autrement dit, on sent bien qu'il y a des choses qui peuvent repartir. Mais l'ensemble n'est pas satisfaisant. Alors ensuite, qui profite? Qui profite? D'abord... Vous aviez parlé de quelques chiffres. Ah oui, alors vous deviez donner aux auditeurs de Radio Courtoisie. Alors, les engagements des banques françaises. La Grèce, en mai 2010, la Grèce, on dit que la crise est finie. La Grèce est sauvée par une ligne de crédit de 110 milliards d'euros, fournie par l'Europe pour 80 milliards et par le FMI pour 30 milliards. Aujourd'hui, on est amené à refaire la même chose. Approximativement, on va arriver à 220 milliards d'euros. Rien que pour la Grèce. Rien que pour la Grèce. C'est de l'ordre de 250 milliards d'euros. C'est égal à la totalité des garanties des États, notées 3-1, pour les avances du Fonds européen de stabilisation, ce que je disais tout à l'heure. La Grèce, alors, n'est pas seule, puisque le Portugal reçoit des avances pour un montant de 75 milliards d'euros, dont 25 milliards prêtés par le FMI et 52 milliards par le Fonds européen. Et alors, sur les banques, selon les banques des règlements internationaux, les banques allemandes ont accordé des crédits à hauteur de 193 milliards de dollars. Là, je parle en dollars, grosso modo un pour un. De 47 milliards au Portugal et de 43 milliards à la Grèce. C'est-à-dire des banques allemandes qui ont accordé des crédits de banque à banque ou à l'État. Les banques françaises ont accordé 78 milliards à l'Irlande, 35 milliards au Portugal et 76 milliards à la Grèce. Soit dit en passant, on voit en fonction de la structure pourquoi telle banque défend la Grèce et moins le Portugal, etc. Bon, donc ça, si vous voulez... Donc on peut penser que les banques, et notamment les banques françaises, font pression sur les gouvernements pour qu'on sauve... Et les banques allemandes. Et les banques allemandes, pour qu'on sauve la Grèce, c'est-à-dire qu'on permette à la Grèce de payer ses dettes, puisque ce sont des dettes dont les banques sont détentrices. C'est un mécanisme très simple. Les banques n'ont pas envie d'être en faillite. Donc elles demandent aux États de soutenir la Grèce. Les États, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à la Grèce ils prêtent à la Grèce et ils prêtent sur des fonds qui sont prêtés par les fonds européens, fonds de stabilisation européens. Qui est-ce qui garantit ces fonds de stabilisation européens? C'est l'ensemble de la puissance économique, c'est-à-dire l'ensemble des contribuables. Non, mais je vais vous dire, ce n'est que très logique. Hein. C'est pas du tout... on savait que... si vous voulez, je ne comprends pas qu'on n'ait pas pensé à un instant que ça se passerait autrement. La monnaie, c'est la solidarité. Donc, autrement dit, à un moment où on a besoin de la solidarité doit s'exprimer ou le système explose. Jean-Pierre Gérard, dans le livre qui a été écrit sous la direction de Roland Hureau et de Michel Robatel, après l'Europe de Bruxelles, aux éditions François-Xavier de Guibert, vous plaidez pour une vraie préférence européenne. Alors j'aimerais que vous en disiez deux mots aux auditeurs de Radio Courtoisie. Alors moi je reste toujours dans la logique. Je pense que l'euro aurait pu réussir. Maintenant je pense qu'il a échoué définitivement, que il va tuer beaucoup plus. Mais enfin passons, il aurait pu réussir, c'était en tout cas une politique qui avait des chances. Pas toutes les chances, mais elle avait des chances. Mais je dirais que c'est plus la sottise et l'incompréhension des phénomènes monétaires, même par les grands argentiers, qui nous a conduit à cette situation. Pourquoi je dis ça? Alors aujourd'hui, si vous voulez, il y a trois grands engagements. C'est l'organisation politique de l'Europe, la libre circulation des biens et services et l'euro. Nous ne pouvons pas avoir les trois. Les trois nécessitent d'avoir une certaine cohérence entre eux. Si vous voulez une organisation décentralisée de la politique européenne, une organisation politique décentralisée, c'est-à-dire une Europe organisée autour des États, et pratiquement ce que tous les hommes politiques de tous les États d'Europe disent vouloir, et ce qui a été confirmé par les référendums dans les différents pays. C'est ce qu'on appelle la souveraineté. Oui, c'est la souveraineté. Des États. C'est-à-dire une Europe des États, quoi, qui est construite autour des nations. À ce moment-là, si vous voulez maintenir l'euro, vous n'avez pas d'autre choix que de casser les pattes à ce qu'on appelle la mondialisation. Je rappelle qu'au début, si vous voulez, quand on avait un dollar qui était très cher par rapport à l'euro, tout se passait comme si on avait cette protection douanière. À partir du moment où le dollar se réapprécie, cette protection douanière, entre guillemets, diminue. Et il est normal que, si vous voulez, il y ait une protection douanière, parce que l'idée de faire construire l'Europe, ce n'est pas de faire de nous tous des clones des Allemands. L'idée, c'est de faire de l'Europe un ensemble économique, politique et, je dirais, qui permette de développer la situation de chacun de ses participants. Donc, la France devra avoir une structure industrielle et agricole différente de la structure industrielle et agricole de l'Allemagne, de l'Italie, etc. C'est ça qui fera la richesse. Si on veut tous être des clones des Allemands, et je dirais qu'il y a un certain nombre de gens qui sont favorables à ça, chaque fois que moi j'entends Jean-Claude Trichet vanter le sérieux allemand, je me dis ça devient dramatique. Moi, c'est ce que j'appelle les eurofascistes. C'est-à-dire, ils voudraient mettre toute l'Europe à la discipline allemande, ce qui est absurde, ce qui est utopique. Moi, j'aime bien les Allemands, mais si vous voulez... Alors, les Allemands, n'oublions pas quand même que les Allemands, et Roland Hérault le rappelait tout à l'heure très bien, les Allemands sont dans une situation qui n'est pas si favorable que ça. C'est un colosse au pied d'argile. Hein. Non, mais le temps passe, cher Jean-Pierre Gérard, et j'aimerais que vous expliquiez ce que vous entendez par patriotisme économique et pourquoi vous proposez une forme de protectionnisme. Alors, moi, je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles je pense qu'il faut arriver au protectionnisme, une forme de protectionnisme. Alors, la question qui m'est généralement posée derrière, c'est comment faire ? Alors, vous avez plusieurs voies. D'abord, c'est être aussi protectionniste que les Allemands sont chez eux, que les Américains sont chez eux. Ça, c'est le patriotisme économique. Oui, c'est-à-dire essayer de faire en sorte de rétablir les conditions d'un échange équilibré. Moi, en tant qu'entrepreneur, je sais me battre contre les Allemands, contre les Anglais, contre le pays européen, un peu plus difficilement avec les pays de l'Est européen, mais on y arrive quand même parce que leur niveau de vie s'accroît très vite. En revanche, contre les Chinois, je ne sais pas faire. Donc, autrement dit, et si vous voulez, les Chinois, qu'est-ce qu'ils font ? De l'esclavage économique. Et en plus de ça, ils ne respectent aucune des normes qui sont imposées aux Français. Qui plus est ? Je vais vous dire, moi j'ai un exemple à Châteauroux. On leur demande, les politiques leur demandent de venir investir en France et leur font des ponts d'or, leur laissent la liberté de faire ce qu'ils veulent, alors que nous-mêmes, en tant qu'industriels, on serait soumis à des conditions absolument drastiques de respect des normes environnementales, des normes de ceci, etc. Donc, d'abord, rétablir des conditions à peu près équivalentes. Et puis, comme on n'empêchera pas les évolutions relatives des monnaies, moi, je pense qu'un mécanisme qui avait été mis en place, qui a marché assez bien là, pour l'agriculture, de prélèvement et de restitution. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, on fixe une valeur arbitraire assez proche de la réalité des monnaies. Et puis, chaque fois qu'on dépasse la valeur de cette monnaie, c'est-à-dire qu'on complique le travail de l'exportateur, eh bien, on l'aide à exporter. Et chaque fois que le travail de l'exportateur est facilité, eh bien, c'est lui qui paye une taxe. Donc, prélèvement, restitution. Ben nous allons écouter les questions des auditeurs. Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Au cours du libre journal d'Henri de Lesquin, qui reçoit en seconde partie d'émission pour parler de l'Europe après Bruxelles, Jean-Pierre Gérard, industriel, ancien membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France, Roland Hérault, essayiste, et Kostas Mavrakis, philosophe. Et nous partons d'un livre qui s'appelle « Après l'Europe de Bruxelles, une France libre dans une communauté d'États souverains ». Et c'est aux éditions François-Xavier de Guibert. Un auditeur. Si l'industrie anglaise est en mauvais état, cela est dû, a-t-on dit, à la destruction de l'industrie par les travaillistes. Mais l'industrie en France n'est pas dans un meilleur état et ce sont des gouvernements de droite qui sont au pouvoir depuis un bon bout de temps. Un auditeur. L'Angleterre faisant partie de l'Europe, pourquoi garde-t-elle sa livre sterling ? Quelles sont ses raisons ? Je m'interroge depuis des années. Un auditeur, pourquoi la Grèce ne profiterait-elle pas de la baisse du tourisme dans les pays du Maghreb ? Le général Mladic vient d'être vendu par le président Boris Tadic, qui doit espérer des retombées économiques, mais au vu de la crise en Grèce, que peut-on réellement attendre de la Serbie d'une vassalisation à l'Europe ? Un auditeur, sur deux questions en une. L'euro n'aurait-il pas été imposé par les Américains et dans quel but ? Un auditeur, les banques françaises sont les banques de l'État qui décident de tout. C'est unique au monde et il faut le dire. Voilà. Alors, c'est diverses questions. Par exemple, l'euro a-t-il un rapport avec la volonté américaine d'unifier l'Europe ? Pour ce qui est de l'ensemble de la construction européenne, oui et non, ça dépend. Je veux dire, il ne faut pas être aussi systématique que certains le sont. Je pense que c'est oui pour la CED, oui pour la CK, avec beaucoup de bémols pour le marché commun. Alors pour l'euro, la question se pose. Je voudrais revenir sur l'Angleterre. La France, aujourd'hui, a un taux de main-d'œuvre, un pourcentage de main-d'œuvre nationale employée dans l'industrie qui est descendu aussi bas que celui de l'Angleterre. C'est-à-dire que nous avons le même problème que l'Angleterre. La désindustrialisation de ces 10 dernières années, et qui, comme vous le disiez très justement, a été le fait de gouvernements de droite, mais ça, avant, c'était pareil. Les gouvernements de gauche, c'était pareil. Font que nous ne sommes pas mieux lotis que l'Angleterre. Nous allons nous réveiller, à moins que ces statistiques trahissent un peu la réalité. Je ne vois pas comment, d'ailleurs. C'est la situation en France est beaucoup plus grave qu'on ne le croit. Si, alors, si on dit qu'il y a un correctif, c'est qu'en fait, les statistiques surestiment la désindustrialisation parce que les entreprises industrielles sous-traitent davantage de services qui étaient autrefois comptabilisés comme dans l'industrie, comme figurant dans l'industrie, qui maintenant figurent dans la sphère des services. Et en Angleterre, il y a un défaut de statistique. Et en Angleterre, on ne le fait pas, ça, parce que c'est le même type de statistique. Je sais pas. Alors, moi, je m'élève contre ces statistiques. Je trouve j'ai entendu l'argument. Je suis quasiment certain qu'elles sont fausses, et ça sert d'alibi pour ne pas avoir le respect de l'industrie. Vous avez beau avoir été au Conseil de la politique monétaire de la Banque de France, je crois qu'une statistique est fausse quasiment par définition. Elle est plus ou moins fausse, mais elle n'est jamais juste. Non, mais l'interprétation qui en est faite, est beaucoup trop avantageuse pour, je dirais, ceux qui ont envie de ne rien faire. C'est pour ça que je m'élève contre ça. C'est vrai, si vous voulez, ce mouvement vers les services à l'industrie est réel. Mais l'externalisation, comme on dit. L'externalisation vers les services est réelle. Mais elle n'est pas suffisante. Vous pouvez dire aussi que vous avez externalisé la fabrication de ce qui n'est pas difficile à faire en allant vers la Chine. Donc, autrement dit, en agissant de cette manière-là, on perd le savoir-faire. Mais l'Europe et l'euro sont-ils en cause, cher monsieur Gérard? Parce que je me souviens de monsieur Tchuruk, qui était à l'époque président de Alcatel, et qui avait dit « Mais l'avenir de notre entreprise, c'est une industrie sans usine ». Alors, ce modèle économique n'est-il pas la véritable cause de la décadence de l'industrie française ? Indépendamment de l'euro. D'abord, que le fait que monsieur Tchuruk ait dit ça ne me paraît pas être la meilleure phrase qu'il ait jamais dite. Il n'a pas fait preuve de la qualité de sa stratégie à Alcatel, alors qu'il en avait fait la preuve auparavant. Mais passons, si vous voulez, c'est pas ça. Ce que je constate, si vous voulez, c'est que au début, moi j'ai vécu ça en tant qu'ingénieur, si vous voulez, ingénieur de la marine. On externalisait de plus en plus de choses. Alors au début, on faisait tout nous-mêmes, ce qui était peut-être trop d'ailleurs, à l'intérieur des arsenaux. Et puis on a trouvé que c'était moins cher de confier, et on a sous-traité de plus en plus. Puis on a sous-traité des sous-ensembles, et puis on a sous-traité des ensembles, et puis à la fin, on ne faisait même plus des spécifications, c'était des industriels qui rédigeaient les spécifications et qui nous disaient est-ce que ça vous convient ou est-ce que ça ne vous convient pas. Eh bien ça, si vous voulez, c'est ce qui se passe avec la France. La France, petit à petit, est en train de tout perdre. Je vais vous dire, j'en avais un exemple avec Areva. Il y a des pièces essentielles de la fabrication, enfin de la construction des centrales nucléaires qu'on est aujourd'hui incapable de faire, alors qu'on a dépensé des sommes folles pour y arriver. Et malgré ça, Mme Lauvergeon va être reconduite, ce qui est tout à fait scandaleux. Alors, j'ai entendu dire qu'aussi bien à Areva qu'à l'EDF, il y avait un drame, c'était le départ à la retraite des ingénieurs qui ont le savoir-faire et qui n'ont pas formé les successeurs. Oui, mais non seulement on n'a pas formé les successeurs, mais les successeurs ne peuvent pas être formés puisque l'essentiel de la technicité est acquis maintenant au Japon, en Chine, etc. Mais vous allez avoir le même problème avec les TGV. Alors, pour l'instant, si vous voulez, il est certain qu'au début, quand on commence à sous-traiter et à envoyer, à externaliser, pour reprendre le terme, eh bien, ça se passe bien. Et financièrement, c'est très avantageux. Mais vous ne reconstituez pas le stock de savoir dont vous avez besoin pour continuer l'entreprise, pour vivre l'entreprise. Alors, l'heure tourne et j'aimerais que vous nous disiez, Roland Hureau, Costas Mavrakis, Jean-Pierre Gérard, ce qu'il faut faire. Au fond, la question que je vous pose maintenant, il faudrait qu'en deux ou trois minutes, vous résumiez ce que vous proposez concrètement. Je dis, en amont de l'euro, il y a de la psychologie. En aval de l'euro, il y a aussi, après l'éclatement de l'euro, un terrible choc psychologique qui va se traduire par des conséquences que nous ne pouvons pas mesurer. Alors que faut-il faire ? Mesurer, se préparer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce livre n'est pas seulement un livre de critique. Ce livre s'appelle « Après l'Europe de Bruxelles ». C'est aussi un livre de préparation. C'est-à-dire que nous, toute la moitié du livre, conformément à la volonté de M. Robatel, consiste à dire qu'est-ce qu'il faudrait faire, comment organiser l'Europe de manière différente, de manière beaucoup plus lâche, bien sûr, puisque le sous-titre, c'est « Une France libre dans une communauté d'États souverains ». Le choc va être tellement grave, notamment pour une classe politique qui est complètement prisonnière de la perspective européenne depuis 50 ans, qu'il faut qu'il y ait des gens qui aient suffisamment de sang-froid et suffisamment de réflexion pour prendre la relève. Cher Jean-Pierre Gérard, cher Costas Mavrakis, permettez-moi de vous poser une question plus brutale. N'êtes-vous pas des utopistes ? L'Europe peut-elle être sauvée ? En fait, vous êtes attaché, comme je l'étais autrefois moi-même, sauver l'institution européenne. Vous êtes attaché à l'Europe des nations qui respecte la souveraineté des nations. De Gaulle, sans doute, croyait que le marché commun pouvait rester une Europe des États, une Europe des États souverains, donc une Europe des nations. Il n'employait pas l'expression. Mais après plus de 50 ans de dérive, croyez-vous que cette Europe, que cette Union européenne soit réformable ? C'est devenu utopique. Non, mais il faut faire donc il faut chose. Sortir cette Europe. Oui, d'accord, mais il faut faire table rase de cette Europe-là pour faire autre chose. Mais comment pouvez-vous espérer réformer cette Europe-là nous n'avons pas parlé alors qu'elle est viciée maintenant. On s'aperçoit qu'elle est viciée à la base, Jean-Pierre Gérard. Non, moi, je vois la chose en deux temps. Je vais vous dire. La première, c'est que je crois. Plus exactement, il y a encore peu de temps, on pouvait faire quelque chose pour sauver certains des acquis européens. C'était, à mon sens, possible en organisant la sortie de l'euro et la retraite, comme on organise une retraite militaire sur l'euro. Aujourd'hui, c'est très difficile, les retraites militaires. Hein. C'est très difficile. Parce qu'en général, ça se transforme en débandade. Sauf si c'est fait à temps et sérieusement. Et si on le prévoit, moi, je m'en... Alors ça, c'est le premier point. Comme je n'y crois pas, on va arriver à la situation de l'éclatement. L'éclatement. Et donc, c'est là où ça va devenir très difficile. Bon, moi, je n'aurais pas une larme sur cette Union européenne-là, qui est une machine à tuer les peuples et qui ne peut pas fonctionner à long terme, comme vous l'avez d'ailleurs fort bien montré dans cet ouvrage, Après l'Europe de Bruxelles, aux éditions François-Xavier de Guibert, Jean-Pierre Gérard, Costas Mavrakis, Roland Hureau. Alors, je voudrais lire le courrier des auditeurs, la chronique du courrier des auditeurs de Radio Courtoisie, préparée par Amandine, et je commence par une auditrice de Versailles dans les Yvelines, qui envoie 80 euros. À 73 ans, je viens de m'acheter une voiture neuve, une belle Peugeot noire que l'on peut ouvrir à distance et qui a à l'intérieur beaucoup de nouveautés. Enfin, pour moi, je crois même qu'il y a un siège éjectable, mais surtout, qui a une radio. Et quelle radio ! Autre révélation, je viens de faire connaissance à 73 ans avec Radio Courtoisie, avec en d'autres termes la France, tout ce que nous aimons de notre France. Si tous ceux qui viennent s'y installer y venaient pour l'aimer et s'y fondre, il n'y aurait aucun problème. Parfois j'aimerais vous téléphoner pour participer, mais vous annoncez les numéros de téléphone beaucoup trop vite. Autre tristesse, je ne pourrai pas venir vous voir le 19 juin prochain. Sera-t-il fait des cassettes ou des DVD pour immortaliser cette merveilleuse journée ? Pour l'instant, je vous envoie ma première cotisation. Mais vous renouvelle déjà ma reconnaissance pour votre combat. C'est celui de la lumière contre les ténèbres. Il faut redemander de l'aide à Saint-Michel-Archange, car c'est lui qui nous a de tout temps défendus. Un couple d'auditeurs de Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, qui souscrit à l'abonnement d'À l'écoute de Radio Courtoisie et qui envoie 100 euros. Chers amis, nous sommes heureux de vous faire parvenir notre première cotisation que nous espérons faire suivre de plusieurs autres. Merci pour tout ce que vous faites. Une détrice de Paris qui envoie 120 euros, étant depuis le début très fidèle et attentive auditrice de Radio Courtoisie, je suis toujours dans l'admiration de vos émissions, que je trouve instructives et souvent passionnantes. Voici ma cotisation 2011, afin de vous aider dans vos perspectives d'avenir. Une auditrice de Paris qui envoie 70 euros. Avec bien du retard, voici ma cotisation à Radio Courtoisie, dont je suis une fidèle. Je suis sensible à la qualité de vos émissions, à l'intérêt des sujets abordés et des personnalités invitées à s'y exprimer. Croyez en l'assurance de mon fidèle soutien. Une auditrice de Corbeil-Essonne, dans l'Essonne, qui commande l'enregistrement d'un libre journal et qui envoie 40 euros. Avec un peu de retard, voici ma cotisation pour 2011. Je voudrais mettre plus, mais presque octogénaire avec une fille au chômage, la vie est difficile. J'espère que plus tard, je pourrai vous donner plus. Je vous adresse à tous mes remerciements pour vos émissions inégalées ailleurs, et pour votre courage, et pour votre travail, sans doute presque harassant. Vous illuminez ma vie. Quand je m'endors, je suis heureuse d'avoir appris encore de belles choses. Mes amitiés à tous, bénévoles, professionnels, musiciens. Je ne peux, à mon grand regret, pour raison de santé, venir à la fête de la Courtoisie le 19 juin prochain. Merci pour tout. Un auditeur de Nancy, en Meurthe-et-Moselle, qui envoie 120 euros. Je tiens à vous remercier pour la grande qualité de vos programmes. Tenez bon. Alors, chers auditeurs, je vous remercie chaleureusement de votre soutien précieux. Vous savez que Radio Courtoisie, je viens de le dire à propos de notre bobino de la fête du 19 juin, Radio Courtoisie est un miracle permanent puisque nous sommes la seule radio au monde, il n'y en a pas d'autre. Contrairement à ce que croient certains auditeurs qui m'ont envoyé un message en me citant des noms d'autres radios, je pourrais leur donner des précisions. Les autres radios qu'ils citent sont financées en partie par leurs auditeurs, mais principalement par des subventions ou par de la publicité, des ressources publicitaires. Nous sommes la seule radio sans ressources publicitaires à être financée uniquement par les dons et cotisations des auditeurs. Et je disais tout à l'heure, cher Jean-Pierre Gérard, qu'aux États-Unis, où je m'imaginais qu'il y en avait d'autres, comme la nôtre, eh bien non, les radios de droite, conservatrices, sont financées largement par la publicité. La radio libre de toutes les droites et de tous les talents, vous le savez, chers amis auditeurs, ne reçoit aucune subvention, refuse toutes les ressources publicitaires, et c'est la condition pour que nous garantissions la liberté de ton que vous aimez et que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Tout à l'heure, à propos de la corruption, à l'instant, à propos de l'Europe, après Bruxelles, nous pouvons développer des thèses qui ne sont pas conformes au discours dominant, qui ne plaisent pas à l'oligarchie régnante. Nous pouvons dénoncer l'euro, ce qui n'est pas très populaire dans les médias habituels, dans les autres médias. Et vos cotisations sont vitales, puisque Radio Courtoisie ne vit que grâce à vos dons et grâce au travail acharné de toute son équipe. Alors, si vous le pouvez, vous qui en avez les moyens, aidez-nous et aidez-vous vous-même à continuer d'apporter du réconfort à ceux de notre famille de pensée qui sont dans la peine, cette famille de pensée qui est la pensée de la patrie. C'est la famille de tous ceux qui aiment la France et ses traditions, quelle que soit la diversité de leurs opinions. Et elle est très grande. Nous nous rapprochons de la période estivale et avec les fêtes de fin d'année, c'est une des deux périodes les plus dures pour notre trésorerie. Et c'est aussi la période la plus dure pour les solitaires, pour les auditeurs solitaires qui nous écoutent beaucoup et qui se trouvent encore plus isolés à cette époque de l'année, puisque évidemment, ils ont encore moins de visites. Durant l'été, Radio Courtoisie, qui pense à ces auditeurs-là, met un point d'honneur à produire le même nombre d'émissions originales, contrairement à l'ensemble des radios subventionnées ou financées par la publicité, qui, elles, méprisant leurs auditeurs, prennent des vacances et rediffusent les émissions du reste de l'année. Et donc, je suis inquiet, car vous savez, nous avons des charges très lourdes. Nous avons, par exemple, c'est une partie importante de notre budget, des charges salariales et l'URSSAF. Vous savez, Jean-Pierre Gérard, j'avais un ami chef d'entreprise qui vient de mourir et qui me disait « URSSAF, ça veut dire URSS à la française ». Alors c'est un peu polémique, je demande pardon aux gens de l'URSSAF qui ne sont pas si méchants que ça. Mais en tout cas, ils sont extrêmement rigoureux sur les dettes et ils ont intérêt à payer l'URSSAF en temps utile, c'est-à-dire à point. Et nous avons 45 000 euros à sortir tous les trimestres. Et c'est financé entièrement par les auditeurs. Donc pensez-y, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie. Et les cotisations chutent dangereusement à l'approche de l'été. Elles ont baissé récemment et j'espère qu'elles vont se redresser. Et c'est vital pour nous et pour notre développement. Je vous demande de nous envoyer une cotisation d'été avant de partir pour prendre des vacances, si vous en prenez bien sûr, ou un chèque vacances, on pourrait l'appeler ainsi, le plus généreux possible, en plus de votre cotisation. D'avance, je vous en remercie. Notez dès à présent la fête de la courtoisie le dimanche 19 juin à l'espace Jean Perret. J'espère y retrouver Jean-Pierre Gérard, Roland Hérault et Costas Mavrakis. Et vous savez, Marie-Françoise, répétez-nous ce que c'est que la fête de la courtoisie. Votre douce voix, je crois que les auditeurs le comprendront encore mieux que si c'est moi qui le dis. C'est une fête de la convivialité où de nombreux auteurs peuvent rencontrer le public de Radio Courtoisie, les auditeurs de Radio Courtoisie, et cela se passe dans une ambiance très chaleureuse. Et ils pourront rencontrer Marie-Françoise. Oui, et aussi Henri de Lesquin. Ah d'accord, et la douce voix de Marie-Françoise en direct, avec un peu de chance, ils verront même Roland Hérault, Jean-Pierre Gérard et Costas Mavrakis. Il ne restera peut-être pas 7 heures de 14 heures à 19 heures, puisque c'est à l'espace Champéret, et qui est donc porte de Champéret, exactement rue Jean Estrecher, et donc ça durera toute l'après-midi. Il y aura d'ailleurs, cette année, il y aura des conférences, notamment il y aura une conférence de Jean Raspail à 14h15, une causerie de Jean Raspail, qui sera interrogée par Anne Brassier, et le thème sera... Jean Raspail, Ancien Royaume. Jean Raspail, qui est l'auteur du fameux Camp des Saints, qu'il vient de rééditer, avec une belle préface, et un livre qui fera date, et qui a fait date déjà. Pour entrer dans la grande famille de Radio Courtoisie, comment fait-on, Marie-Françoise ? Il est possible de le faire par chèque, adressé à notre secrétariat 61 Boulevard Murat, 75016 Paris, par Internet, via PayPal, avec une carte bancaire à l'adresse suivante www.radiocourtoisie.fr ou bien par prélèvement automatique sur simple demande écrite ou même téléphonée. Dans tous les cas, un reçu correspondant à vos versements vous sera adressé. Alors par Internet, on n'a pas du tout besoin d'avoir un compte PayPal, on peut évidemment en avoir un, mais il suffit d'avoir une carte bancaire et un ordinateur pour régler ses cotisations ou ses dons par Internet. Pourquoi 40 euros ? Que j'ai envie d'ailleurs peut-être d'augmenter, mais qui pour l'instant sont toujours à 40 euros, la cotisation. Eh bien, c'est pour permettre à tous, ou presque tous, d'adhérer à notre association. Mais le montant minimum souhaitable est de 120 euros, montant de la redevance audiovisuelle. La cotisation minimum est la même depuis très longtemps, et elle est encore maintenue, avec beaucoup d'efforts, à 40 euros. Déduction fiscale, pour ceux qui sont imposables, à l'impôt sur le revenu. De 66% du montant de votre don à Radio Courtoisie. Si vous versez 120 euros, il ne vous en coûtera que 40 euros. Et si vous voulez, sans donner ou en donnant, et à côté, vous abonner à l'écoute de Radio Courtoisie, vous le demandez au secrétariat 01 46 51 00 85. Je le dis pour cette dame qui trouve que nous le disons trop vite, alors je vais le répéter plus lentement. 01 46 51 00 85. 85, et vous pouvez écrire 61 Boulevard Murat, Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. À ceux qui ne sont pas encore abonnés, on peut envoyer ces coordonnées pour recevoir un exemplaire qui vous permet de vous faire une opinion sur ce que c'est que à l'écoute. Merci Roland Hérault, merci Jean-Pierre Gérard, merci Costas Mavrakis, merci Claudio, merci Marie-Françoise. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal d'Henri de Lesquin, assisté de Marie-Françoise. Cette émission a été diffusée en direct lundi 30 mai 2011 de 18h à 21h et sera rediffusée mardi 31 mai 2011 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle a été réalisée par Claudio. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez la cassette